montre de pleurer. Annie voit la lumière, ça se passe dans les yeux. Annie est encore en train de pleurer. Annie voit la lumière, ça se passe dans les yeux. Et tu ne m'entends pas car je suis avec toi. Tu ne m'entends pas car je suis dans tes bras. Tu ne m'entends pas car je suis avec toi. Tu ne m'entends pas car je suis dans tes bras. Annie, Annie, Annie, oh Annie. Annie, Annie, oh Annie. Annie, Annie, oh Annie. Annie, Annie, oh Annie. Annie est encore en train de pleurer. Ça se passe dans les yeux. Annie est encore en train de pleurer. Annie, quand la lumière, ça se passe dans les yeux. Et tu ne m'entends pas car je suis avec toi. Tu ne m'entends pas car je suis dans tes bras. Tu ne m'entends pas car je suis avec toi. Tu ne m'entends pas car je suis dans tes bras. Ouais, Annie, Annie, oh Annie, oh Annie. Annie, oh Annie, oh Annie. Annie, Annie, oh Annie. Annie, Annie, Annie. Ça se passe dans les yeux. Annie est encore en train de pleurer. Annie a beaucoup.